Anarchiste, NOS, j'écris nos futurs. La tête dans les rêves, mais les yeux rivés sur le présent, je t'assure. C'est moi qui prendrai leur bout avant qu'ils ne m'aient à l'usure. La jalousie n'est de ce que l'on voudrait, mais que l'on n'a pas. La sincérité se partage lorsqu'on est au-dessus de tout ça. Y'a ces parts de moi qui me déconfondent, qui vivra, verra. Sans jamais masquer celle qui me pousse à croire qu'il voudra, vaincra. L'horizon ne m'a jamais paru plus dégagé que maintenant. Mais dès que je crois m'en approcher, il s'éloigne paradoxalement. Juste pas l'avenir inutilement, comme avec des balles à blanc. Ça ne sert qu'à se tirer dans le pied lorsque l'on baisse les bras bêtement. Qu'ils gardent leurs œillères pour se rassurer dans la banalité. Il sera trop tard pour ouvrir les yeux devant la fatalité. Les faux semblants ne sont que des rideaux sans opacité. La faiblesse que l'on s'efforce à masquer plus explicité. Derrière même à bout de souffle, on aura un truc à te raconter. Les souvenirs comme pour ceux déjà partis sont ce qui nous font vivre. Là, le temps est la seule chose sur laquelle on peut compter. Les regrets restent, certains régressent et les bons se lire. Alors se suivre les oublis et nos écrits s'intensifient. Un homme averti en vaut deux, un amoureux vaut peu. Face au micro, notre plume est authentique, on peut certifier. On se dit qu'avec nos rimes riches, y'a pas moyen de finir frontreux. Là on va se m'accloué au pieu, je connais l'échec et Mathieu. Relève la tête, tu fais du rap, je fais pareil mais grave mieux. Je ne suis plus innocent, ça se ressent dans mes textes. Ma gueule blessée avec violence, vécue sans extase. Du passé je ne regrette rien comme Edith Piaf. Mes yeux d'enfant ont vu se briser mes rêves et maintenant le petit chien. Qu'est-ce qu'il a? Je n'ai plus d'idéal depuis que la vie m'a dit tu n'auras pas de chaîne massif mais du meuble Ikea. Je voulais sourire un peu, sourire à deux, je n'ai fait courir après une sale connasse finie comme l'époque des larges collages où je mettais de grosses doses en osmose. Avec mon temps jamais content, les jeunes s'indignent mais se sapent en Nike. C'est lamentable, K.O. Mike, c'est WAM. Et mes péripéties en tristerie et crise des rires. Mon passé ne fut pas si terrible. On dévie puis dérive vers le Seville. Lors de délire débile, les vers se vident, les rampes à esquivent en se disant qu'est-ce qu'il fout, mais est-ce vraiment crédible? Comme ses potes qui, une fois que t'es plus avec, rajoute ton ex sur Facebook. À vrai dire, même à bout de souffle, on aura un truc à te raconter. Les souvenirs comme pour ceux déjà partis sont ce qui nous font vivre. Là, le temps est la seule chose sur laquelle on peut compter. Les regrets restent, certains régressent et les bons se lire. Alors se suivre, ils s'oublient et nos écrits s'intensifient. Un homme averti en vaut deux, un amoureux vaut peu. Face au micro, notre plume est authentique, on peut certifier. On se dit qu'avec nos rimes riches, y'a pas moyen de finir frappeux.